Deux nouvelles entrées du côté francophone. On va en avoir trois la semaine prochaine du côté anglophone, ce qui veut dire cinq nouvelles entrées, ce qui veut dire qu'on dit au revoir à cinq pièces. Voici Palmer Rest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui ont quitté les palmarès C'est fou depuis la précédente édition. Et je m'engage pour l'éternité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ah, ah, des pièces qui ont quitté les palmarès C'est fou depuis l'édition du 12 au 25 mai 2014. Il y en avait 5. Donc, Hôtel Morphée pour commencer avec Les Derniers Jours qui a duré 5 semaines. Pépé, sa guitare et je m'engage qui a duré 5 semaines aussi. The Darcy's et Horses Fell qui a duré 6 semaines. Unknown Color et Me and I qui a duré 7. Et finalement, The Pack AD, 9 semaines pour la chanson Airborne. Félicitations à The Pack AD. D'habitude, je dirais souvent, ah, t'sais, mais ils sont de retour cette semaine dans les palmarès. Non, il n'y a personne qui est de retour à ce que je vois. Non, absolument rien dans ces 5 là sont de retour. C'est bien triste pour eux.